إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، une petite introduction comme d'habitude. على كل جيسي parler généralement les hadiths et tout, j'ai dit en arabe, mais bon, vu qu'il n'y a pas le temps, je plus parler en français. Et je ne vais pas faire arabe, français, 50 ans, ça sera plus en français. طيب, le hadith que on va faire, le sharah, qui n'était pas choisi comme ça d'ailleurs, on va voir bien là pourquoi. On voit hadith dans les 41 oui, qui est connu par tout le monde. Le hadith, yani, bon, je le dis en arabe, rawah at-Tirmidhi et autres, bi sanad sahih al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Jami', min hadith Abi Dharr al-Ghafari wa min hadith Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Naam, radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. Tout le monde, je pense, doit s'en douter, c'est quoi le hadith? Il est connu quand même, il est dans les 40, il me semble que c'est le 18e hadith dans les 49, oui. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, comme j'ai dit, il est rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a dit, يعني, crains Allah où que tu sois et suis, ou la fais suivre la mauvaise action par une bonne action et avec les gens un bon comportement. Et un bon comportement avec les gens. Très bien. Et dans le hadith, il y a un qasmi la kam qasm. Trois qasm. Awalan, taqwa Allah ta'ala. Il y a un nabi sallam qui dit, ittaq Allah haythuma kunt. Thaniyan, oui, en arabe, atba' as-sayyi'ati al-hasana, atba' as-sayyi'ati al-hasana al-samha. Thalitha, خالق الناس بخلق حسن. Comme je dis, le hadith, il est, logiquement, il est divisé en trois parties. أولا, crains Allah où que tu sois. Yani, le fait de craindre Allah, et c'est pas craindre Allah, il est bien précisé où que tu sois. Hein? On va voir pourquoi le Nabi Salam, il a bien utilisé ce terme. ثانياً, fait suivre la mauvaise action une bonne action. Ça, c'est, ça va parler de repentir. Taouba. Thalithan, et un bon comportement envers les gens, ça va parler de le bon comportement. Donc, le hadith, en quelque sorte, il va traiter trois chapitres, taqwa, et le repentir, il istaghfar, le fait d'implorer Allah Jalla Ala, pardon, et le repentir, et le bon comportement. Et je pense, ces trois sujets, tout frère qui est dans le manhaj, ou tout musulman, il a besoin de ces trois choses-là, surtout en France. Et en malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de frères qui ont ces trois choses. Craindre Allah Ta'ala, à chaque fois qu'on fait un péché, on le suit par un repentir. Et repentir sincère, la troisième partie c'est avoir un bon comportement envers les gens. C'est général le hadith, on va voir. Pas les ikhwah salafiyyin, non. Un bon comportement envers les gens. Donc le hadith il englobe tout. Et je pense, da'wa, elle peut réussir que lorsque ton discours ou alors ton prêche, il est orienté vers le besoin des gens. Yani, je suis avec des frères qui connaissent le haqq, qui connaissent le manhaj. Je ne peux pas leur parler tous les jours du manhaj alors qu'ils le connaissent très bien et le maîtrisent. Là, si je vois qu'il y a des failles, il y a des problèmes au niveau du comportement, ah, là, il faut les traiter. C'est pour ça, avant qu'on vienne ici, on a bien demandé à un frère d'ici, on a dit, qu'est-ce que tu crois? Voilà quel cours tu vois utile pour le frère. Yani, ça sert à rien que je vienne faire un cours, voilà le frère Abu Asma, voilà autre, il fait un cours sur un sujet qui est maîtrisé par les frères. Les l'homme, il a tendance parfois à accepter le rappel quand ça parle de tout le monde, mais ça ne le touche pas personnellement. Bah, la question, si on fait un sujet sur un point que lui, il n'a pas, ah, ça va le faire mal. Et neuf, généralement, il a tendance que tout le monde soit touché par ce rappel à part son lui, alhamdoulilah, il a tout. Non, il faut que ton message, ta da'wa, ton prêche, il faut qu'il soit ciblé de ce que les gens, si tu veux, de ce que les gens ils ont besoin. Hada pour que da'wa doit réussir. C'est pour ça, si vous méditez les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, rubbama ya'ti sa'il yaqul nabiy sallam awsini ya rasul Allah. Il y a beaucoup de hadiths qui, un, il vient voir Nabi Sallam et il dit, donne-moi un conseil à Rasulullah. Tantôt Nabi Sallam, il lui dit, crains Allah. Tantôt il lui dit, la ta'zab. Tantôt il lui dit autre chose. Donc, pourquoi il dit, il varie le conseil? Léana, tout dépend des personnes. On ne peut pas donner le même conseil à tout le monde. Un kafir, on va lui parler de l'unicité. Il faut croire en Allah Ta'ala. Un mubtada, il faut parler du danger de la bid'ah. Comment on ramène à l'enfer. Quelqu'un dans Manhaj, il a un mauvais comportement envers les gens. Ah, il faut que... Quelqu'un qui est bien, mais avec son père, il n'est pas bien. Il faut parler de ça. Le but, c'est de se rectifier. Au fait, Sahihayni, min hadith Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu, قال, بايعتu Rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ala iqam al-salat wa ita' al-zakat wa al-nushi li kulli muslim. هذا الهدف. قال, Jarir ibn Abdullah, قال, j'ai pris l'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam pour trois choses. Accomplir la salat, acquitter la zakat et le bon conseil à tous les musulmans. Voilà, n'importe quel musulman. Là, ça fait partie du dogme. Allah Ta'ala قال wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Allah Ta'ala قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. Comment تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الهدف. حديث جاء تميم الداري في صحيح مسلم. الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إلى غير لسي. لك هذا النصح. يعني من باب الظلم إلى الجستيس. Je vois mon frère. Il est en train de s'égarer. Soit dans la bid'a. Soit dans le shahwa. Ses passions. Il se laisse comme ça. هذا ما بالظلم. T'es un traître en fin de compte. Et tu vois ton frère qui va à l'enfer, mais malgré ça, tu le laisses. Il fait de la médisance devant toi, tu le laisses. هذا من باب الظلم. إذا je reviens للحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. أولا التقوى, on va la traiter بإذن الله. التقوى في القرآن. ثم التقوى في السنة. ثم التقوى في سيرة السلف الصالح. واضح. وهذا كما قلنا كما نجي لدغنا أخوة سيسا المنهج. كتاب وسنة وفهم سلف الأمة. هذا المنهج. طيب التقوى لغة هي أن تجعل بينك وبين الشيء تكرهه وقاية. Dans la langue arabe, التقوى, la crainte, c'est quoi? C'est de mettre une barrière entre toi et une chose que tu crains. لكن dans la terminologie religieuse, l'istilah, التقوى هي أن تجعل بينك وبين كل ما يسبب سخط الله وقاية. C'est de mettre une barrière entre toi et la colère d'Allah Ta'ala. ولا le châtiment d'Allah Ta'ala. C'est ça التقوى. هذا التقوى. طيب. Est-ce qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent du taqwa ou pas? La réponse elle est oui, évidemment. Rien que khutbat al-haja, il y en a combien de versets? Salat, trois. Le Coran, il n'y a que des versets qui parlent sur le taqwa. Allah Ta'ala قال وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez un jour pendant lequel vous allez revenir pour Allah Ta'ala. قال ابن عباس نعم هذا نعم نعم ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك ابن كثير في التفسير والشوكاني وغيره في التفسير أن ابن عباس قال هذه آخر آية نزلت في القرآن وقد مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع ليالي. Ça c'est ابن عباس dit c'est le dernier verset qui est descendu. Regardez le taqwa. C'est le dernier verset qui est descendu. Le Nabi Sallam est mort 9 nuits plus tard. Et non par là. Bah ouais. Donc, le taqwa, ça prouve que c'est une chose qui est très importante. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Et Allah il a dit mon conseil, voilà, j'ai donné un conseil pour les gens du livre et pour vous-même, c'est quoi? C'est craignez Allah. هذا الوصية. لبروف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اتق الله، هذا التقوى، هذا الوصية. لكن هو على cette époque là c'est devenu la mode. Moi tout le temps je répète ça. Le frère il fait le mode اتق الله اتق الله. On connaît pas le sens du mot. Hein, le mot اتق الله c'est grand, on va voir qu'est-ce que ça veut dire اتق الله. Et normalement on doit vraiment respecter le sens et appliquer ce que contient ce mot. طيب في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس، قيل من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال أتقاه. النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين حديث أبي هريرة ولا دمودي سكي le plus noble des gens يا رسول الله كيف قال دي celui qui craint Allah le plus أتقاهم. Il a pas dit النبي صلى الله عليه وسلم celui qui a العلم. Il y en a l'ilm sans taqwa contre toi. Revenez au cours de la science et la pratique de la science. Tout est enchaîné. Et dans le Nabi sallam qal atqahum. Les hadiths, il y en a ceux qui sont rentrés. Quand il y en a un, il a dit, sahih un hadith Anas ibn Malik. Quand ceux qui un, il a dit, moi je prie et je dors pas. L'autre, il a dit, je jeûne et je mange jamais. Voilà, je rate jamais une journée sans jeûne. Et l'autre, il a dit, je ne me marie pas avec les femmes. Le Nabi sallam qal ala wa inni atqakum lillah. Ala wa inni akhshakum lillah. Mais malgré ça, je prie et je dors, je jeûne et je mange, et je me marie avec les femmes. Donc la définition de taqwa, c'est pas la taqwa. On va voir la définition de taqwa. C'est pas ce qu'on nous on croit. C'est pas la quantité. On va voir la parole de Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu anhu, rahimahullah. Après. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que ana atqakum lillah. Ça veut dire qu'on va voir que le terme taqwa, c'est pas ce qu'on croit. Yani juger que quelqu'un a un muttaqi, c'est pas évident. Lakinnas, on a plus tendance à lâcher le mot parfois sans vraiment peser son sens. طيب. Hadith Abi Huraira fi Sunan al-Tirmidhi bi sanad hasanah al-Albani anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala aktharu ma yudkhilu al-janna hajtin taqwa Allah wa husn al-khuluq. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit les choses qui font rentrer au paradis le plus, voilà, qu'il faut rentrer le plus au paradis, c'est deux choses. C'est la crainte d'Allah Ta'ala et le bon comportement envers les gens. Voilà le bon comportement. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avec son interprétation du hadith, قال, là, Nabi, dans son livre Al-Fawa'id, d'ailleurs, je vous incite à l'acheter ce livre. Hein. Je ne sais pas s'il est traduit, il faut l'avoir. Ibn Qayyim, il a dit des paroles, subhanallah, ajab là-dedans. Rahimahullah, ghafar Allah. Qal, Ibn Qayyim, rahimahullah, qal, regardez Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il a, en deux mots, il peut tout dire. Kama qal, bu'ithtu bi jawami' al-kalim. En deux mots, Nabi sallam, il dit tout. Comme le hadith là. Ittaqillah haytham makunt, atbi'a sayyid al-hasana, khaliq al-nas bi khuluqin hasan, il y a tout. Qal, Ibn Qayyim, yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, les choses qui font rentrer au paradis le plus, c'est taqwa Allah, husn al-khuluq. Deux choses. Qal amma taqwa Allah, ça va régler, voilà, ça va rendre ta relation entre toi et Allah bien. Voilà, tu auras une bonne relation entre toi et Allah. Et le bon comportement, tu auras une bonne relation entre toi et les gens, et c'est le bonheur total. Sauf Ibn al-Qayyim. Il a rassemblé tout. Comme ils disent certains, des termes qu'ils utilisent généralement, l'ikhwan, en relation verticale ou horizontale. Nous, on ne dit pas ça, on dit taqwa Allah wa husn al-khuluq. Exactement. Donc la relation avec Allah Ta'ala, alhamdulillah, c'est bien. Il reste aussi la relation avec les gens. Tu l'as avec le bon comportement. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, il sait ce qu'il dit. Quand il dit les deux choses qui rentrent le plus, c'est le bon comportement, wa taqwa Allah, et c'est vrai. C'est ça la religion. Craindre Allah Jalla wa ala outé et avoir un bon comportement avec les gens, c'est le bonheur. طيب. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل سأله عن التقوى. قال يا أبا هريرة ما التقوى؟ Qu'est-ce que c'est التقوى؟ نخاف pas d'entendre التقوى في القرآن، التقوى في السنة. Qu'est-ce que c'est التقوى؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه قال أرأيت رجلا يمشي على الشوك أو على أرض فيها الشوك قال كيف نعم قال أمشيت على أرض فيها شوك قال نعم قال كيف قال تضع قدم وتؤخر قدم وتتحرى الشوك أبو هريرة lui pose la question qu'est-ce que c'est taqwa il a dit est-ce que tu as jamais marché sur une terre où il y avait des épines des choses qui piquent قال oui قال comment tu fais قال j'essaie de faire mon maximum de ne pas appuyer sur les épines pour ne pas se faire mal قال أبو هريرة هكذا التقوى c'est exactement ça la crainte où il y a où je sais que chaque endroit qu'Allah il déteste je rentre pas un endroit où Allah il veut que j'y vais là-dedans ou là j'y aille j'y vais لهذا ابن المعتز قال لما أتكلم عن التقوى قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وامشي كراكب فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى دوماش vous avez pas l'arabe c'est des belles paroles il a vraiment traduit ce qu'il a dit Abu Huraira قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى c'est quoi التقوى c'est laisser les petits péchés et les grands péchés وامشي كراكب فوق أرض الشوك يحذر ما يرى et fait comme celui qui marche sur une terre où il y a beaucoup d'épines Il a dit « La tahqiranna saghiratan » Il ne faut pas mépriser, si ce n'est qu'un petit péché. Car les montagnes, en fin de compte, sont faites de petits cailloux. C'est vrai. Les montagnes, c'est des petits cailloux, mais ça fait des montagnes. Et alors, le petit péché, on arrive au grand, peut-être on arrive au shirk, carrément. Voilà. Les hadas salaf, quand il dit à Abu Huraira, tu vois comment tu marches sur une terre où il y a des épines, un des salaf, un gouverneur, lui a demandé un conseil. Il a donné une parole qui englobe tout. قالوا إياك أن يراك الله في مكان لا ينبغي أن يراك فيه وإياك أن لا يراك في مكان ينبغي أن تكون فيه قالوا donne-moi un conseil قالوا fais attention qu'Allah ne te trouve pas dans un endroit où il faut qu'il te trouve à cette heure-là c'est l'heure de la prière Allah il veut bien te voir dans la mosquée قالوا fais attention il faut pas qu'Allah il te voie dans certains endroits ou il faut pas qu'il te voie dedans يعني les bars est-ce qu'Allah il aime voir son serviteur dans les bars ben non donc il a tout englobé taqwa c'est quoi c'est il faut aller au moment précis à l'endroit précis et il faut éviter les endroits que Allah jalla wa ala il déteste c'est le taqwa pendant le hajj il y a un certain moment C'est Arafa, les gens ils sont toute personne qui veut que son hajj soit accepté, il faut qu'elle soit dans un périmètre donné, c'est Arafa, pas la montagne, mawqif Arafa, tout entier. Allah, si tu veux ton hajj, Allah il veut te voir là. Si tu es à la Médine à ce temps-ci, ou même dehors de Arafa, ton hajj, c'est discuté. Le Nabi sallam il dit Al-Hajj Arafa. Comme il dit le nasih, ça veut tellement c'est important. Al-Hajj Arafa. Il faut qu'à cette heure-ci, le jour du Arafa, ne vienne le Hajj, il faut que tu sois là. Si tu fais le Hajj. Taïf. Lors de la prière, Allah, il veut bien te voir faire la prière à la mosquée. Et ça, moi, je me permets de dire. Yani, moi, j'ai remarqué que ici, les frères, j'ai pas remarqué que les frères, ils sont beaucoup attachés aux mosquées. Je dis pas tous, alhamdoulilah, c'est des frères, chaque fois que je viens, je les trouve constants, d'ailleurs, j'ai dit que du bien d'eux. Mais j'ai remarqué quand, nous, quand on vient ici, on est voyageurs, donc c'est pas pareil. Yani, j'ai peur que ça, j'espère que ça sera juste une fois. C'est-à-dire que l'on va voir si ça se répète. C'est un conseil que je vous donne. Comme a dit Ibn al-Qayyim, « Ya qawmi wallahi al-azimi nasihatum min mushfiqin wa akhillakum mi'wani » C'est un conseil de votre frère. جربت هذا كله وقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران on était dedans انا si tu t'éloignes des mosquées c'est l'égarement qui va venir petit à petit هكذا الشبهه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاسيه jamais un loup il va attaquer une brebis au milieu du trou لكن la brebis égarée خلاص elle est morte هذا هو انا j'ai remarqué il y a pas on s'attache pas beaucoup aux mosquées peut-être je me trompe J'espère d'ailleurs. Là, si je ne me trompe pas, là, quand on parle des mubtadi'a, d'accord, alhamdulillah qu'Allah nous a guidés vers le manhaj al-haq. Lakin dommage, tu trouves les mubtadi'a au premier rang dans le masjid. Ce n'est pas une bonne da'wa. Wa da'wa, comme ils disent les gens de la science, bilisan al-hal, akthar min al-da'wa bilisan al-maqal. da'wa avec le comportement, avec le bien-être avec les gens, parfois c'est plus parlant que da'wa avec la parole. Là, si tu dis une chose et tu la contredis avec tes actes, hein, je peux te dire que ta da'wa est plaquée au mur. Voilà. فَإِنْ خَلَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي فَلَا تَغْضَبْ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَةً comme dit Shafi. Voilà. Donc il faut que la da'wa soit entière. À tel point qu'il y a certains frères qui disent, moi j'aime bien la constance dans la mosquée d'établir. J'aime bien l'organisation des ikhwan, et j'aime bien la science des salafidines, ça se voit qu'il n'a rien compris, miskin. Mais à tel point que salafidines, ça leur manque ces choses-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre que le manhaj salafi, il lui manque un complément. Jamais. Impossible. Parce que le manhaj salafi, c'est l'islam. C'est la religion qu'Allah Jalla wa Ala a acceptée pour ses serviteurs. Est-ce que Allah Ta'ala peut descendre une religion, un dîme, qui lui manque un complément? Jamais. Ahl al-Bid'a, tu peux trouver peut-être un petit bien chez eux. Lakin les gens qui suivent la sunna, impossible. La religion que le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a laissée pour sa communauté, elle est complète, elle n'a pas besoin d'eux. Ça veut dire le défaut, ce n'est pas dans le manhaj, c'est dans ceux qui prétendent suivre le manhaj. Ça, il faut comprendre. Taïb. Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, c'est une grande parenthèse, mais comme j'ai dit, la da'wah, il faut qu'elle soit précise. La théorie, elle est bien, mais il faut qu'elle soit ciblée vers un but. Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, radhiya anhu, قال ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن زاد بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير. الفقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له يقول ان لا crainte d'Allah c'est pas de jeûner les journées ولا de prier la nuit, لكن تقوى الله c'est de faire ce qu'il faut faire et de s'interdire de ce qu'il faut pas faire. Et celui qui veut rajouter يعني une nafila ou autre chose à part de ça, c'est un bien qu'on rajoute à un bien, c'est un bien de plus. Alhamdulillah, c'est bien. Lakin à la base, le taqwa, c'est craindre Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est faire ce qu'il faut faire et de s'interdire de ce qu'il a. C'est pour ça que Sahih Muslim, le hadith Jabir ibn Abdullah, l'Ansari, radiyallahu anhuma, un rajoul al ja'a al-Nabi, le hadith il est dans les 40 aussi, Nawawi, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, idha sallaytu al-maktouba. وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. في رواية أفلح الرجل إن صدق أو إن صدق. Vous connaissez le hadith. Si j'ai pris mes cinq prières, si j'ai fait mon jeûne et je m'interdis de ce qui est interdit, c'est ça qui compte. Et je fais tout ce que Allah Ta'ala, il faut tout ce que je dois faire, il y a mes obligations, est-ce que je rentre au paradis? Nabi Sallam dit oui. Quand il est parti, Nabi Sallam dit aflah ar-rajul, il va réussir, c'est véridique. Il faut être véridique. Voilà, donc c'est ça un taqwa. Faire ce qu'Allah. Yani, on ne peut pas dire ouais, mashallah, l'autre il craint Allah Ta'ala, il fait des prières nocturnes, mashallah. Toutes les nuits il prie, c'est où il ne vient pas salat al-fajr, après c'est le mushkil. الله تعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur il ne peut pas se rapprocher de moi par une chose meilleure que l'obligation. Le hadith il est dans les 40 aussi. C'est ça ce qui compte. يعني une obligation, tu viens faire le fajr à la mosquée, tu rentres chez toi, tu rajoutes aucune prière, alors que l'autre il a prié toute une nuit. Mais il n'est pas venu, salat al-masjid, ça n'a rien à voir entre toi et toi, lui, on ne compare même pas. C'est la taqwa. Voir ce qu'Allah il demande de moi. Et je le fais. Je vois ce qu'Allah Ta'ala il m'a interdit de faire et je ne le fais pas. C'est la taqwa, exactement. C'est ça la compréhension de notre taqwa. À partir du moment où on a cette compréhension, là, c'est plus clair. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est pour ça que l'Abd al-Aziz ne dit pas ça n'importe comment. Il dit أن ليس بطول الصيام جنيت طن ما شاء الله يجون لندي جدي ما شاء الله ولكن si tu trouves pendant le jeûne du mois de Ramadan il fait n'importe quoi. Ah non, je préfère bien jeûner le mois de Ramadan et je jeûne pas lundi jeudi toute la nuit toute l'année, mais alhamdulillah au moins mon jeûne je sais que je l'ai bien préservé. هذا الدين. طيب قال ميمون بن مهران سبحان الله شوف السلف. Yani, tu dis leurs paroles, Si on ne sait pas ce qu'eux ils ont dit, on va dire que c'est un hadith. C'est pour ça que généralement, parfois, on confond entre un hadith et les paroles des salaf. Là, chaque, il n'y a pas de comparaison entre les paroles du prophète alayhi salam et leurs paroles. Voilà que, subhanallah, tellement il y a de sagesse, parfois tu dis, ajib, aqwalhum, rahimahumullah. Bidam al-mushib yuba'a wasluhu mufaman al-lazay yabta'u bil-thamani. Qal al-muttaqi, ashaddu muhasabatan li nafsihi min al-shariki al-shahihi li sahibihi. شوف العشب. قال ميمون بن مهران رحمه الله قال المؤمن أو celui qui craint Allah تعالى tellement il juge son nafs toujours ولا قال il juge son nafs plus qu'un associé avare radin quand il juge son associé. Donc c'était ça. Yani, deux associés. Un, il est vraiment trop avare. Il va venir le soir, il va vraiment demander des comptes au frère. T'as vendu ceci, t'as vendu cela, t'as vu celui-là, il a dit, j'ai acheté. Non, t'as pas à dépenser plus, il faut qu'on gagne le maximum. Prends compte, il ne va pas lâcher, au sous-près. Il ne va pas lâcher le centime. Had al-muttaqi, celui qui craint Allah, il faut qu'il fasse comme ça avec son nafs. Il faut croire que nafs, elle est contre toi. Il ne faut pas faire ça avec les associés demain, hein. D'accord. Non. C'est ça le nafs. صح كما يقول والنفس راغبه اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. Ton nafs, c'est toi qui la maîtrises. Si tu la maîtrises, si tu veux qu'elle dorme, elle va dormir. Si tu veux qu'elle soit un nafs qui adore Allah Ta'ala tout le temps, elle va le faire. Yani, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. لكم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله تعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى النتيجة فسنيسره لليسرى. Celui qui fait tout ça, Allah facilite le chemin. ولكن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى النتيجة سنيسره للعسرى. C'est toi qui fais. C'est toi qui joue. يعني أنت تختار هذه نفسك. Tu l'habitude de tous les matins je fais deux rak'at al-duha. Tu l'habitude. Elle va s'habituer. Tu l'habitude salat. طيب je la fais à la mosquée, mais خلاص, c'est trop tard, là je ne veux pas arriver à l'heure. Je te dis, même une raka'a, c'est salat al-jama'a encore. Waouh. J'ai jamais jeûné un jeûne à part le mois de Ramadan. Il y a bon Arafa, je relève, il y a la récompense à Arafa, mashallah. Il y a le Ashura, bah demain d'ailleurs, oh, tout le monde jeûne, voilà, lundi, tout le monde veut jeûner, il y a la récompense, une année de pardon, oh, mashallah. Voilà que lundi, jeudi, jamais. Il faut habituer ton âme. Si tu l'habitues, à chaque fois, tu jeûnes, si tu ne jeûnes pas lundi, tu jeûnes jeudi, elle va s'habituer. Hada ton âme, il ne faut pas croire que ton âme, c'est un mystère que tu ne peux pas maîtriser. Ah ben non. Allah, si ton âme, c'est les, tu ne peux pas maîtriser, c'est une injustice. Allah, Jalla wa Ala, il est juste par excellence. Allah Ta'ala, lahu l'adl al-tam fi khalqihi, Allah Ta'ala qal, on ne change jamais une âme plus. Puisqu'elle supporte, voilà, nous kalifons nafs et la wusa. Vu qu'Allah Ta'ala, il t'a demandé de faire, il sait que tu es capable de faire ça et encore plus. Wabah. Taïb. Omar, radiallahu anhu, à propos du sujet de ton nafs, il faut que tu le casses. Bien sûr, quand il te pousse vers le mal. Omar, radiallahu anhu, كان يقول أبو سجيد المحاسبة يفدي جيس النفس يقول كان على المنبر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. Jugez votre nafs avant que vous soyez jugé et pesez vos actes avant qu'ils soient pesés contre vous. Donc le temps jugé dans la vie d'ici-bas et savoir qu'est-ce que tu as fait, on connaît quand même. On sait si on a passé une journée tranquille dans l'adoration d'Allah Ta'ala. On n'a pas fait la médisance. On a baissé notre regard. On a fait des sadaqas. On a fait ceci. On a fait notre salat à la prière. J'ai ordonné le bien. J'ai interdit le mal. J'ai fait un bon comportement envers ma mère. Alhamdulillah, grosso modo, je me sens bien. Le soir, t'es tranquille. Les annasi, ta relation, elle est bien avec Allah Jalla wa Ala. Ta relation avec Allah Jalla wa Ala, elle est bien. Alhamdulillah, t'es tranquille. لأن كما يقول إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب. Si ta relation avec Allah Ta'ala elle est bien, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est de la terre. يعني vraiment t'as pas à trop penser aux gens. Si ta relation avec Allah elle est bien, إذا صح منك الود فالكل هين. Tout est, pour moi, tout est négligeable. Si ma relation avec Allah elle est bien, فكل الذي فوق التراب تراب. Tout ce qui est sur la terre, c'est vraiment de la terre. C'est rien du tout. واضح. إذا عمر هذا سيبارات. يقول حاسبوا أنفسكم غدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوفوا السلف. نقول بس القرآن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف. علي بن أبي طالب يقول اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Aujourd'hui on travaille sans jugement. لكن demain c'est un jugement sans travail. Les kuffars, le jour du jugement, ils disent on aurait bien voulu être des musulmans. يوم يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Ils vont demander de revenir. Allah Ta'ala قال حتى إذا جاء نعم حضر أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. يعني بغية entre eux et le fait de revenir. Ils ne vont pas revenir. Ils vont souhaiter de revenir. Un kafir pendant l'agonie déjà il va mourir, il va voir les anges noirs qui vont descendre. Vous connaissez le hadith. Il va savoir sa place en enfer tout de suite. L'ange de la mort, il va prendre son âme. Vous connaissez le hadith, il va khlas. Dans la tombe, on va lui montrer sa place, de toute façon. Au paradis, on va dire, ça, c'est ta place au paradis. C'est, t'es croyant. Mais t'es un kafir, voilà ce que tu mérites. Et les châtiés, dans la vie d'ici-bas, avec les problèmes et les tortures qu'ils font à eux-mêmes, et les châtiés pendant l'agonie, comment on prend son âme, et les châtiés pendant sa tombe, et les châtier le jour du jugement, comment il voit les gens rentrer à l'enfer, et lui il attend, il sait de toute façon il est dedans, et puis à l'enfer, c'est pas notre sujet. Havel kafir, on t'a donné 60 ans, 14, 20 ans, 30 ans, alhamdulillah, t'avais la possibilité pour être croyant, mais t'as pas été. Et Allah Ta'ala قال, wa anfiqu mimma razaqnakum, dépensez. Dans la vie d'ici-bas, dépensez fi sabilillah, même à de ce qu'on vous a donné. Min qabl an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin. Wa an-natija wa la yu'akhkhir Allah nafsan idha ja'a ajaluha. Wallahu bima ta'maluna khabir. Qala rabbi. Na'am. La qablaha. Wa la yu na'am. قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا. يعني فاسك جو ريفيان بوركوا فير بو تخافايي. لهذا hier on a raconté l'histoire de الحسن البصري. C'est dans un cimetière, un est en train de se faire enterrer, il a posé la question à un qui était à côté de lui. قال له هذا le mort là. S'il revient tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? قال له il va adorer Allah sans cesse, non stop. لان الى السيل حق كلا لترونها عين اليقين. ثم ترون عين اليقين عفوا. Vous allez voir la haq. Donc si quelqu'un il a goûté la mort, il va revenir chez eux. ربما يبكي الدم لا الدمع. Il va pleurer peut-être du sang, pas des larmes. Il a su le haq هو. الحسن البصري dit il لم يكن هو فكن انت يا عبد الله. Si c'est pas lui, sois toi. Lui il est mort, خلاص. Juste un exemple, sauf il a piégé en fin de compte. قالوا si c'est pas lui, bah sois toi. Toi tu es encore vivant, profite. Les hadas salaf disent les jours sont trois, on l'a dit hier d'ailleurs. Trois jours. Un jour qui est passé, il ne reviendra jamais. Le jour de demain, tu ne sais pas si tu vas vivre. Et le jour d'aujourd'hui, donc profite le maximum. Crois le haq. Et hier, il ne reviendra jamais. Raden, tu ne sais pas. On ne sait pas. Voilà. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تبقى إلى الفجر. Si il y a la nuit, tu ne sais pas si tu restes jusqu'à l'aube ou pas. Et de toute façon, vous m'avez raconté tout à l'heure l'histoire du frère qui a dormi le matin. On l'a trouvé. Moi, le frère que vous connaissez. Rahimahullah wa ghafara lah. Donc, avec des miens, خلاص, les gens qui dorment, ils se réveillent. De toute façon, le sommeil, c'est la mort petite, comme ils disent. Il y en a ceux qui reviennent, il y en a ceux qui ne reviennent pas. Donc déjà, Allah Ta'ala, tous les jours, il te donne une chance. C'est pour ça que tu dis dans le dua, Alhamdulillah, alladhi ahyani, ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Déjà, Tous les matins, tu as une chance. Donc profite. Profite. Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil Bukhari, كان يقول الصحابة يا أيها الناس شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم إلي ميزيغوكورديون في cette communauté عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس توبوا لربكم واستغفروه il sait النبي صلى الله عليه وسلم pour le حج c'est qu'est-ce qu'il a dit حجوا أو حجوا أو تعجلوا الحج قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا faites le pèlerinage avant que vous n'aurez plus la possibilité de le faire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a la certitude que l'homme, sa vie, elle est vraiment courte. Et tu ne sais pas. Tu as vécu aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas vivre le lendemain. Donc il faut vraiment bien profiter. Non. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ittaqillah haythuma kunt » Il n'a pas dit crains Allah, non. Il a dit crains Allah où que ce soit. La partie nous intéresse. L'anna taqwa Allah ta'ala devant les frères ou alors dans les mosquées, c'est pas ça le problème. Alors c'est pas dur. Généralement, même si on n'a pas la taqwa, on a un minimum de pudeur, de chichemin, on ne peut pas faire n'importe quoi devant les gens. Les hava parmi les portes de shaitan et qui touchent ton ikhlas. Là, tu doutes de ta sincérité. Quand tu vois un frère, lorsqu'il est avec des frères, dès qu'il y a le moindre mal qui se passe dans la rue, il dit « Oh, oh, billah, qu'est-ce que c'est ?» Il montre que « Il veut montrer que lui, ça l'énerve quand il voit un mal dans la rue. » Là, quand il est tout seul, voilà, dès qu'une personne qui l'intéresse pas trop, il passe, wallah, il voit rien, rien qui bouge. Son cœur, peut-être, il est mort. Hein, il veut montrer que lui, « Il veut devant les frères, tu passes, tous les frères sont cramés, c'est l'ihya. Dès qu'il y a le moindre un arabe ou le haja qui passe avec la musique, il dit « Ah, oh, billah, qu'est-ce que c'est ?» oh, Tu dis « Masha'Allah, ça yaghdab li hurumatillah. » Alors que quand il est tout seul, wallah, il ne bouge même pas, si ce n'est pas dans son poste, à lui. Le musique. Donc, هذا من أبواب الشيطان. Donc, le croyant, comme a dit le قائل, « وسري كإعلاني » وتلك خليقتي وظلام ليلي مثل ضوء نهاري. L'extérieur comme l'intérieur, exactement comme et mon jour comme la nuit, exactement. Si c'est pas mieux, au moins on veut que ça soit. يعني في المسجد quand je fais une nafila, je la fais en 2 minutes, en 4 minutes. Je rentre chez moi, hop, tac, tac, comme un coq en 1 minute. Là, tu dois te douter dans ton ikhlas. Ça aurait été le contraire. Alhamdulillah, c'est bien. Si tu es al masjid, tu fais 2 minutes quand tu es chez toi, mashallah, tu prends, il n'y a personne qui te regarde à part Allah, jalla wa ala. Ah, là, alhamdulillah. La moindre chose, c'est que ce soit à la mosquée, par exemple, 4 minutes, chez toi, 4 minutes. Au moins, qu'est-ce qu'il fait? Al-aqal. Donc, ça, c'est des portes de shaitan. Il faut tout le temps savoir que le shaitan, c'est un ennemi. Inna shaitan lakum adouun, fattakhidouhu adouwa. C'est un ennemi. Il faut le prendre comme ennemi. Il faut savoir qu'il rentre pas par une porte, il rentre par une autre. Il t'a pas attaqué par la bid'a, il va t'attaquer par la sincérité. Si t'as pas attaqué par la sincérité, il va t'attaquer par tes passions. Il t'a pas attaqué par tes passions, il va t'attaquer par certaines choses de la dunya. Et ainsi de suite. Puis il mèche. Il va pas te lâcher jusqu'à la fin de ta vie. Donc il faut savoir. Les hadha ahl al-ilm, ils ont écrit même des livres sur les ruses de Shaytan. Parmi les livres, Talbis, Iblis, de qui? D'Ibn al-Jawzi. Il y a aussi Irasat al-Lahfan, d'Ibn al-Qayyim, Masa'id al-Shaytan. Cheikh Awaisha, al-Tahdir, min masalik al-Shaytan. Les gens de la science, ils ont toujours parlé sur les ruses de ce Shaytan. Donc il faut les connaître, il faut les éviter. Taïm. Even, craindre Allah quand il n'y a personne qui te voit, ça prouve bien ta crainte envers Allah. L'histoire des trois qui sont rentrés dans la grotte, oui, c'est sahih, hadith ibn Omar, qui sont rentrés dans la grotte, tout le monde connaît l'histoire. Chacun, il a demandé à Allah par un acte sincère qu'il a, tawassul bi'amal salih, chacun, il a demandé à Allah par un acte sincère qu'il a fait. J'ai une question que doit se poser. Est-ce que nous, si on soit, on sera un jour dans ce cas-là, est-ce qu'on aura au moins un acte sincère par lequel on peut se rapprocher en Allah. Wallahi, parfois, wallahi, tu te fatigues pour trouver un acte sincère que tu as fait. Wallahi, haqq. Parfois, tu as du mal. Yani, je ne sais pas si vous avez essayé ça ou pas. Essayez d'imaginer si vous êtes dans ce cas-là. Là. Trois frères, voire plus, voire moins. Vous êtes dans un moment où il faut vraiment que vous demandiez à Allah Jalla wa Ala par des actes que vous avez faits. Est-ce que vraiment tu as un acte, tu sais que tu l'as fait sincère? Tellement il n'y en a pas beaucoup qu'on a du mal à les trouver. Alors que eux, tout de suite, ils ont trouvé. L'histoire de l'homme qui a sa cousine, elle lui a demandé de l'argent, un de ces jeunes-là, sa cousine lui a demandé de l'argent, il a dit, « Tumakkini ni min nafsik, il faut que je commette al-fahisha avec toi, yani zina, après je te donne ce que tu veux. » Elle était dans le besoin. Et là, quand il a voulu faire ce manqua, qu'est-ce qu'elle a dit? « Ittaqillaha ya Abdallah, wa la tafuddal khatam illa bihaqqihi. » Dépasse pas cette barrière, yani elle part de sa virginité. Dépasse pas cette barrière que lorsque tu payes, yani elle veut dire le mariage. Et là, subhanallah, tu te rends compte la shahwa qu'il y a à l'homme et tout, c'est incroyable, khlas, il ne reste plus rien pour faire là. Tout de suite, il se refroidit. Subhanallah. Il s'est rappelé de quoi? Le mot « Ittaqillah ». Je sais comment c'est passé, subhanallah, dans son cœur. Il est raisonnable. Il sait qu'est-ce que c'est « Ittaqillah », la grandeur de ce mot et la grandeur d'Allah, Jalla wa Ala, tout de suite, il s'est retiré. Et la preuve, son acte est sincère, quand il a demandé à Allah, « un farajat al-sakhra ». Allah il a accepté son doua. Ça prouve bien que son acte était sincère. Et bien, craindre Allah entre toi et Allah, c'est ça ce qui compte. Les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sahihain hadith Abi Huraira, il y en a sept qu'Allah il les protège sous l'ombre de son trône le jour du jugement. Parmi ces sept-là, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat 'aynahu. Un homme qui a invoqué Allah jalla wa ala tout seul, il a pleuré. Il a bien dit khaliyan tout seul. Et elle a pleuré dans le tarawih devant tout le monde. C'est pas compliqué. Bah, tout le monde pleure. Avec, ils crient même. Il y en a ceux qui exagèrent. Salaf, ils n'étaient pas comme ça. Salaf, quand il est dans un cours, il lui arrive un moment pour pleurer, il se retourne vers le mur et dit, ma achadda zoukane, qu'est-ce que c'est dur le rhume. Haram salaf. Hassan al-Basri, il la bloque une fois, deuxième fois, troisième fois, il quitte le majlis. Il pleure pas devant tout le monde. Haram salaf. Voilà. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prie la nuit tout seul, jusqu'à ce que la terre, elle est mouillée. Tout ça, c'est pour sa communauté, c'était pas pour lui. Il y a qu'un ummati, ummati. Alayhi sallatu wassalam. Et donc, craindre Allah, il y a à pleurer chez soi, t'es tout seul, t'as lu le Coran, t'as pleuré. Ça, t'as prouvé que c'est qui te regarde? Il y a qu'Allah, jalla wa ala. Et là, pour savoir s'il est sincère ou pas, le goût que tu sens juste après l'acte. Alors, essayez-le. Ça ne veut pas dire qu'on l'essaye un autre temps. Allah musta'an. Lakin, si tu fais un acte sincère, ce qui suit l'acte, c'est subhanallah, une joie agréable. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit, ça m'arrive des moments de foi, quand il goûte ce goût agréable de la foi, il dit, ça m'arrive des moments, je dis, si les gens du paradis, ils ont uniquement ce bonheur, ils sont vraiment dans un bonheur total. Juste si les gens du paradis, ils sont uniquement dans cet état tout le temps. Ça suffit comme bonheur. C'est ça, c'est le goût de la foi. Quand tu fais un acte sincère, tu sais qu'Allah Jalla wa Ala, il est satisfait de toi. C'est pour ça, le plus grand na'im, le jour du jugement, c'est qu'Allah Jalla, quand Allah, c'est pas les femmes, c'est rien du tout. Quand Allah te dit, « Ala yurzikum minni » An arza ankum wa la askhatu ankum abada. La plus grande récompense quand Allah Ta'ala dit je suis satisfait de vous, je ne serai jamais en colère contre vous. C'est ça la plus grande joie et récompense. Sahwala, qu'Allah Jalla wa Ala soit satisfait. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de dua. Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Bien, si Allah Jalla wa Ala il est satisfait de toi, comme j'ai dit, comme ils ont dit plutôt, tout ce qui est sur la terre, c'est de la terre. وكما يدي أحمد بن حنبل إذا خلوت الدهر يوم فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. Si tu es tout seul, rappelle-toi tout le temps, il y a un qui te surveille. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أوزت معهم الله vous observe et écoute ce que vous dites et il peut exaucer votre toi. Il est avec toi. Donc le fait de se rappeler qu'Allah il te regarde déjà ça te bloque dans la ma'asiyya. Voilà. Donc l'insan, celui qui a la tawhid pure, dès que son nefs le pousse vers un péché, ah, il y a quelqu'un qui me regarde. Les hava, un, à l'époque du salaf, il avait un rendez-vous avec une femme pour faire le fahisha. Là, il y a une dame qui passe. Elle lui dit, tu sais c'est qui te surveille? Il a dit, c'est les étoiles. C'est qui te regarde? Il a dit, c'est les étoiles, le kawak, voilà les planètes. Elle a dit, et celui qui a créé les étoiles? Il n'a rien dit, il s'est séparé de la femme tout de suite. Et là, lui, il a répondu, normal, c'est les étoiles qui sont dessus. Voilà, et celui qui a créé les étoiles, qu'est-ce qu'il a? Il ne te regarde pas, tout de suite, il a réfléchi, il s'est séparé de la femme. Fah, l'insan, l'homme est confié, sakrat al-ma'asiyya, il oublie. Fah, il oublie. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas qu'Allah il le regarde. Parce que si tu crois qu'Allah il ne le regarde pas, c'est un kafir. Lakin, tu oublies, shaitan, il fait que tu oublies ça. Donc il faut tout de suite se rappeler. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Si ton nefs il te pousse vers un mal dans l'obscurité, il faut te dire à ton nefs que celui qui a créé l'obscurité il me regarde. صح ولا؟ هذا في لفظ القحطاني رحمه الله. C'est Allah Ta'ala qui a créé de façon l'obscurité. Obscurité pas obscurité, Allah tu surveilles où t'es. Donc c'est pour ça que le Nabi sallam قال اتق الله حيث ما كنت. Où t'es, où que tu sois. Pas que dans les mosquées, comme j'ai dit, c'est pas compliqué. De toute façon, tu peux pas faire le ma'asiyya dans la mosquée. Enfin, surtout certains péchés. Lakin quand t'es tout seul et tu crains Allah, ça provient de ta sincérité. Et soyez sûr. Si vous faites un acte sincère, vous allez bi'idhnillah goûter le goût qui est derrière. Et là, tu vas dire, mashallah. Si à chaque fois je fais un acte comme ça, je veux goûter ce goût-là, khlas. Tu vas dire, comme il a dit Ibn Taymiyyah, c'est le genre du paradis. Ils goûtent uniquement ce goût-là. Ils ont déjà un bonheur total. Alhamdulillah, ça me suffit. Et là, on passe à la pratique. Ma hiya asbab tahqiq al-taqwa. La crainte. C'est demandé. Il faut. Lakin, il faut bien des choses. J'ai écouté un cours. Lakin, en fin de compte, j'ai pas les moyens pour appliquer ce que tu dis. L'ayat ou l'ahadith ou l'aqwal salaf, c'est beau, mashallah, c'est le haq. Alladhi yajibu i'tiqaduhu. Lakin, j'ai du mal à pratiquer. On dit les causes que tu peux, par lesquelles tu peux pratiquer. Voilà, arriver à ce stade de taqwa, et je rappelle, il ne faut pas croire que tu arrives à taqwa, tu restes là. Il n'y aura que des flèches contre toi. Et shaitan, ton environnement, ton entourage, tout. Donc il ne faut pas croire que tu atteins l'ikhlas, voilà, tu atteins taqwa et tu restes, mashallah. C'est impossible. Tout le temps, il faut le mujahada. Il faut combattre et revenir jusqu'à ce que Allah Jalla wa Ala, il meure satisfait. Tu meurs satisfait de toi à fond. Jusqu'à ce que tu meurs, Allah, il est satisfait de toi. Et Allah Ta'ala قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Jusqu'à la fin de ta vie. Tu lâches pas. Il ne faut pas dire alhamdulillah. Là, ça m'a en ce moment, alhamdulillah. Je n'ai pas de problème. Je regarde une fille, je baisse le regard, alhamdulillah. Et là, tu me penses pour plus tard. Ça arrive des moments, des vagues comme ça. Là, c'est la continuité qui compte. Si c'est ton prophète, alayhi salatu wassalam, le plus pieux. Celui qui a le plus de science dans tous les prophètes, c'est leur imam, Sayyid al-Awwalin wal-Akhirin, malgré ça, dans son dua, il dit, « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » Et je pense que chacun d'entre nous, il doit connaître une au moins, une histoire de quelqu'un qui était bien dans tout, manhaj tout, à la fin il dérape. C'est la fin qui compte. « Al-A'mal bin khawatin » comme il dit le Nabi sallam, c'est la fin qui compte. Un juif, Il se convertit le jour de bataille de Uhud, le jour de la bataille. Nabi Salam a dit, celui qui veut voir quelqu'un qui fait partie du gens du paradis, qui ne s'est pas prosterné une seule fois pour Allah, qu'il regarde cet homme-là. Il rentre, il combat, il meurt tout de suite. Alors que Qazman, il a tué 8 des kuffars le jour de Uhud. Nabi Salam lui a dit, Qazman, ablabala hasanan, il a tué, il a fait, qal huwa fannar. Et tout le monde connaît l'histoire. À la fin, il était blessé, il s'est suicidé. Nabi Salam, quand il a dit, huwa fannar, huwa fannar. Malgré qu'il a fait tout. Là, c'est la fin. Il ne faut pas croire qu'Allah, Jalla wa Ala, si son serviteur, il est sincère, il va prendre sa sincérité à la fin. Impossible. Si quelqu'un dit, eh, Nabi Salam dit, إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القول الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها. كل شيء الحديث. لا يتخافي. هيك. يفعل الزاب دي جون دي paradis jusqu'à la qui reste entre lui et le paradis qu'un petit bout. Et là, il fait un acte qui lui fait rentrer à l'enfer, il est dans l'enfer. Les gens ils comprennent mal ce hadith. Ce hadith il est expliqué par les autres versions qui disent يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. واضح. Il fait l'acte. Hein? Qu'est-ce? Non. Et celui qui fait un acte des gens du paradis, de dans l'apparence. Nabi Salam, il a bien rajouté le mot dans l'apparence. Non, juste par l'apparence. Là, quand ça se voit dans son cœur, il n'était pas sincère. La preuve, il est sorti. Ça arrive du moment que la foi elle baisse. Là, ce qui compte, c'est de revenir. Et ça, on va voir ça après, fait taouba, Inch'Allah. Et then, parmi les choses qui aident le plus pour atteindre ce degré de taqwa, c'est kuffar al-amal. Le fait de savoir que tu vas mourir. Et dans pas longtemps, même si dans pas longtemps, pour toi, c'est même dans 60 ans. En fin de compte, c'est dans pas longtemps. Et là, Allah Ta'ala قال كما يبثن في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العدي. Le jour du jugement, il va leur dire, vous êtes restés combien de façon dans la terre? Ils vont dire, un jour ou quelques jours, ou une partie d'un jour. Toute cette vie. Il y a certaines personnes qui ont vécu même 100 ans, 80 quand ils meurent, subhanallah, quand ils meurent, tu as l'impression que tu as vécu avec eux vraiment qu'un après-midi. C'était rapide, ça passe. Et le kafir, on le ramène le jour du jugement. Il était bien riche, beau, tous les moyens dans la vie d'ici-bas. Dès qu'on entre un petit peu dans le paradis, dans l'enfer à fond, on va leur dire, est-ce que tu as jamais goûté une fois le bonheur de ta vie? Il a dit, jamais j'ai connu le bonheur. Juste un petit peu. Tout ce qu'il a vécu. Tu compares pas, il est trempé juste une fois dans l'enfer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout oublié. Il contraire le paradis. L'homme était misérable, torturé, c'était dans la vie d'ici-bas, que des problèmes, la pauvreté et tout. Dès qu'on le met un petit peu, on le trompe un peu dans le paradis, on lui dit, est-ce que tu as jamais vécu un malheur? Il a dit, jamais, que du bonheur. Ajab. Farah, la bin, une vie éternelle, une vie qui n'est pas éternelle. Là, il y a certains frères, ils posent la question, subhanallah, que des problèmes. Je dis, mais ça, c'est pas nouveau. Que des problèmes, que des problèmes dans cette vie. Tu veux te marier, tu te maries, il faut des garçons. T'as des garçons, que des problèmes. Les garçons, ils ont grandi, que des problèmes. Plus tard, qu'est-ce qui fait de la vie? Tu finis une chose, il y a des choses qui arrivent. Jusqu'à la fin, t'es en combat. El-Kayyis, le croyant intelligent, celui qui tombe pas dans ce piège de la dunya. Il faut pas oublier le but, c'est l'akhira. Ce n'est qu'un moyen. Il y a un Nabi Salam quand on lui dit, pourquoi on t'achète pas des bons matelas et tout? Qu'est-ce qu'il dit, alayhi sallatou wassalam, mali wa lit-dunya? Qu'est-ce que j'ai rien à faire de cette dunya? Je suis qu'un passager, wa ma ana illa karakibin. Istadalla bi shajaratin thumma raha wa taraka. Quand je suis qu'un passager. Il s'est mis à l'abri d'un arbre, après il a continué son chemin. Hada alayhi sallatou wassalam. C'est pour ça, pendant l'agonie, alayhi sallatou wassalam, Fatima t'qul wa karbah, sa fille radiallahu anha. Nabi sallam il qu'il la karba ala abid ki ba'da l'yom. Ton père il aura plus jamais de des douleurs, c'est fini, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste la douleur de la mort comme toute personne, mais après c'est khlas, alayhi sallatou wa sallam. Et dans qifar al-amal, savoir que tu vas mourir, car on a tendance parfois à oublier, il ne faut pas oublier. Awwal, thaniyan, التيقن بالآخرة. لأن tout le monde connaît par cœur parfaitement le cinquième pilier de la foi, le fait de croire au jour du jugement, l'imam bil yawm al-akhir. Lakin la mise en pratique, elle n'est pas évidente parfois. Lakin les compagnons, et avant eux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes, ils ont vraiment réalisé cette certitude. Juste, on va donner l'exemple de l'Ahnaf ibn Qais, radiallahu anhu, un compagnon. À la fin de sa vie, il a continué à jeûner et à prier. Je lui dis, mais t'es vieux, pourquoi tu fais du jeûne surrogatoire? T'es vieux, t'as déjà adoré assez pour eux. Quand il jeûne des jours, il y avait beaucoup de chaleur. Malgré ça, il jeûne, il ne lâche pas. Alors il dit, pourquoi tu jeûnes? Je le prépare pour un jour, c'est encore plus chaud, largement. Je veux l'Ahnaf ibn Qais. Il n'a pas dit je jeûne car il faut que je jeûne. Non, il a visé l'akhira tout de suite. هذا من السلف. Il vient à la bataille de Uhud. Il dit Nabi Salaf au Badr. يقول يا رسول الله إن قتلت ها هنا أين أنا؟ Si je meurs tout de suite, je suis où? قالوا أنت في الجنة. Il était en train de manger des dattes. Il les a jetés tout de suite. Il a dit si j'attends jusqu'à ce que je finisse les dattes, c'est déjà une vie très longue. Tout de suite, il est rentré et il est mort martyr. Radiallahu anhu. Tout de suite. هذا يقين. Il n'a pas dit, Fayyibana, est-ce que je meurs, je ne meurs pas. Tout de suite, Qalou, je suis où, Ya Rasulallah? Qalou, tu es en paradis, si tu meurs tout de suite. Il est rentré, il est mort, il est dans le paradis. Clarinet. C'est de l'application. Fayyib. Le deuxième bout du hadith, c'est Atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Fait suivre la mauvaise action par une bonne, elle va l'effacer. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, al-Hanbali, dans son Sharh Jam' al-Ulum al-Hikam, fait suivre la mauvaise action par une bonne action, on peut comprendre deux choses. Voilà, il y a deux possibilités. Une, c'est vraiment le sens strict du terme, quand tu fais un péché, suis-le par une hasana, elle va l'effacer. Et la deuxième interprétation, ou la deuxième possibilité, c'est que le hasana ici, la bonne action, c'est at-tawbah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « atbi' sayyi'at al-hasana », fais suivre la mauvaise action, une bonne action, et la bonne action ici, c'est le repentir. Et tu fais une mauvaise action, suis-la par un repentir sincère, ça va l'effacer. Il y a deux interprétations. Et les deux, elles sont bonnes. Car les deux, il y a des dalils qui disent que le fait de suivre avec une bonne action, au sens strict de terme, c'est vrai, ça efface la mauvaise action. قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah, il a dit, revenez tous à Allah, aux croyants, peut-être récoltez-vous le succès. هذا un appel d'Allah جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله أو فإني أتوب في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أو فو يعني les gens revenez à Allah جل وعلا et implorer son pardon, sauf le conseil qu'il donne. Car moi, je me repens auprès d'Allah Jalla wa Ala, voilà, je demande son pardon 100 fois par jour. Il ne faut pas oublier que Nabi Sallam, Allah, il a pardonné tous ses péchés. Malgré ça, il demande. Allah, je l'ai dit, Nabi Sallam. C'est pour ça qu'il mérite, alayhi sallatu wassalam, d'être l'imam de tous les prophètes puis les messagers. Alayhi sallatu wassalam. Malgré qu'Allah il a pardonné ses péchés, non, Nabi Salami, il demande, il implore le pardon d'Allah 100 fois par jour. Rabbi ghafir li khati'ati wa ma khati'tu. Tout le monde connaît l'histoire de Ka'b ibn Malik. C'est qui Ka'b ibn Malik? Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, Marar ibn Rabi'a. Le hadith il est dans le Bukhari, wa Muslim, il est dans les Revenir à Riyad Salihin. chapitre le repentir de Taouba. Vous allez voir l'histoire. Et moi, je ne veux pas dire l'histoire, elle est longue. Hein, trois pages et demie. Taqrib. Ils n'ont pas été dans une bataille avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a fait l'Hajr. 50 jours. Personne ne leur parle, rien du tout. Même il dit salam, il rentre à la mosquée, il dit salam au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je vois ses lèvres, il bouge, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dit salam ou pas. Il a dit, quand moi je passe, je le vois qu'il me regarde. Et je me retourne, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il baisse son regard. On regarde d'ailleurs. Il aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala qui l'a ordonné de leur faire l'hajr. Pour que justement, pour qu'ils apprennent. Ils ont, dans un moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de tout croyant, ils n'étaient pas là, alors qu'ils n'avaient pas d'excuses. قال كعب بن مالك يروي رقنت صاصون فيس عبد الله بن كعب بن مالك قال voilà النبي صلى الله عليه وسلم dit même il faut pas que ta femme reste avec toi, يعني éloigne-toi de ta femme. Il est resté tout seul. Il a dit, il sait pas, il marche dans la rue, il parle aux gens, il y a personne qui lui parle. Il va à la mosquée et rentre et prie, il y a personne qui lui parle. C'est le Nabi صلى الله عليه وسلم qui leur a ordonné de faire ça. Justement, Allah Ta'ala, il veut tester est-ce que son repentir, il est sincère ou pas, il veut revenir ou pas. Et là, Ka'b ibn Malik, un jour, il voit son cousin, Ibn Ammihi, Abu Qatada. Radiallahu anhu. Qalu ya Aba Qatada, hal ta'lamuni, uhibbu Allah wa rasulahu. Est-ce que tu sais que j'aime Allah et son messager? Il ne répond pas, il leur a interdit de leur parler. Il répète, قالوا يا أبا قتادة هل تعلمني أحب الله ورسوله إلى طائفة. La troisième قال يا أبا قتادة est-ce que tu sais que j'aime Allah et son messager? Il a dit الله ورسوله أعلم. Il a dit j'ai pleuré tout de suite. خلاص. يعني même mon cousin il doute peut-être. Même mon cousin il a douté alors que lui sa croyance sincère. On va voir sa sincérité. Il a dit là j'ai pleuré tout de suite et je l'ai quitté. خلاص. Mon cousin, il doute. Il a dit que c'est l'homme que j'aimais le plus, son cousin. Ou parmi les gens qu'il aimait le plus, son cousin. Malgré ça, quand il a dit, est-ce que j'aime Allah et son messager? Normalement, il ne doit pas douter, il connaît sa sincérité. Il a que Magasa, il n'a pas répondu. Il a dit, Allah et Rasoul Allah. C'est Allah et son messager qui savent, c'est pas moi. Là, il a dit, j'ai pleuré, et je l'ai quitté. Et là, à ce moment-là, un de ses proches, c'est le roi des Qabilat Bani Ghassan. Bien placé, l'argent, les moyens, tout. Il lui envoie une lettre. Et c'est ça la fitna. Allah, il teste son serviteur. Et c'est ça la fitna. Il lui envoie une lettre. قالوا لقد سمعنا ما فعل معك صاحبك. On a appris, on était au courant de ce que ton ami, chauffe le kuffar, de ce que ton ami a fait. Et nous, on t'accueille chez nous. Il a dit, فعلمت أنها فتنة. Là, j'ai su que c'est vraiment une fitna. Allah, il veut me tester avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a déchiré, il l'a mis tout de suite par terre. Voilà. Il l'a jeté. Il est parti. Alhamdulillah, il a réussi. Et là, un jour, le 50e jour, il était en train de prier sur le toit. Après Salat al-Fajr, il était en train de prier sur le toit de sa maison. Et revenez voir les détails dans le Riyad al-Salihin. Au Bukhari, au Muslim, de toute façon, dans les deux authentiques. Et là, je vois deux compagnons qui, un sur une bête, je ne sais pas c'était quoi, et l'autre, celui qui annonce à quelqu'un une belle chose, il mérite qu'on lui récompense. Le premier, il est parti sur sa bête, l'autre, il a peur que l'autre, il arrive, il commence à crier de loin. Hein, la voix peut arriver avant toi, de toute façon. Tu ne peux pas faire le point. Vous voyez ou pas? Il a peur que l'autre arrive et de loin, il crie. Et oui, il a écouté l'autre. Et là, il lui dit, khlas. Ton repentir, Allah il a accepté ton repentir dans le Coran et va voir Nabi Salam, il t'attend à la mosquée avec les compagnons. Il n'avait rien à donner, il a enlevé ses vêtements et puis il a dit ce que j'avais et je l'ai donné et puis il a pris les vêtements de sa femme. Il n'avait rien du tout, que ça. Un des compagnons de prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti, dès qu'il est rentré, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a trouvé avec un grand sourire. Un grand sourire. Et là, Abu Talha, radiallahu anhu, Abu Talha ibn Ubaidillah, qala, أبشر بخير يوم طلعت عليك أو بخير يوم منذ ولدتك أمك. Il a dit, sois content par le meilleur jour de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé, Roi? Le repentir. C'est le meilleur jour. Le jour où l'homme, il laisse tout son passé noir, il se repent vers le dîn, wallah, c'est le meilleur jour pour lui. Exactement. Depuis que tu es né, c'est ton meilleur jour. Le fait qu'Allah Ta'ala, il descend pour toi, ou l'a fait révéler à son messager un Coran spécial pour toi et deux compagnons pour accepter ton remporté. Wa'ala salafati alladhina khulifu. Et là, le Bissalam a accepté son remporté. Enfin bref, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, si nous, quelqu'un, il nous fait le moindre mal, un roi, il t'envoie et dit, viens, je te protège. Qu'est-ce qu'on va tenter? Lui, il a su que c'est une fitna. Pourquoi? Car il était vraiment sincère dans son repentir. Tout le monde connaît l'histoire de la dame qui a commis l'adultère. Elle vient voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit, je suis enceinte. Yaqula idhabi, jusqu'à ce que tu accouches pour Hamidi. Elle revient avec son bébé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, idhabi waftimi, jusqu'au sevrage. Et là, elle revient avec son bébé et elle avait dans la bouche un petit bout de pain. Pourquoi? Pour montrer qu'il est bien sevré. Sauf, elle était intelligente. Et à l'époque, Nabi Sallam ne repose pas une question. Et là, Nabi Sallam, qam alayhi al-had, il a appliqué la loi d'Allah Ta'ala. Et là, un compagnon, il a maudit, je ne sais pas si c'était Omar ou Khadid ibn Walid, et Nabi Sallam a dit, laqad tabat tawbatan law qussimat ala sab'ina min ahli al-Madina la wasi'atum. Elle s'est repentie à repentir. Si on le divise sur 70 parmi les gens de la Médine, ce sont des compagnons. Ça va leur suffire. Juste elle. Et elle est pourquoi? Depuis, elle était enceinte jusqu'au sevrage, au moins pendant pour déjà sevrage, déjà 2 ans. Ou hamluhu wa fisaluhu 30 shahran, et on a pour 30 mois. Est-ce qu'elle a lâché? Elle ne l'a pas lâché. 30 mois, elle revient à chaque fois. Elle a dit, va jusqu'à sa cuche, elle revient avec son bébé. Va jusqu'au sevrage, elle revient. Yani, tauba, elle est encore, elle ne veut pas. Elle veut qu'Allah Jalla wa Ala, il la purifie. Et si quelqu'un il est purifié dans la vie d'ici-bas, alhamdoulilah, il est sauvé le jour de là. Non. Lakin, certaines personnes y croient qu'il ne peut jamais tomber dans le péché. Ou elle, c'est pas bien, il ne faut pas qu'il tombe dans le péché. À partir de moi, il tombe dans un péché, il craque, khlas. De toute façon, moi, je suis qu'un naïf, je suis qu'un faible. Dès que la femme m'a invité, j'ai obéi, khlas, bon, khlas. J'ai plus d'image. Par exemple, il avait un souci, il a rasé sa barbe une fois, khlas, de toute façon. Ils doivent dire sur moi que je n'étais pas accusé, khlas, je lâche. Il croit que lui, il a la foi des anges qui ne bougent pas, constante. Ah non, non, non. Il ne faut pas que tu oublies un acte, le fils de Adam. On a vu ça dans le temps, كُلُّ بَنِي آدَمْ خَطَّى وَخَيْرُ الْخَطَّئِنَ التَّوَّبُونَ. C'est le repentir qui compte. Là, que faire des fautes, c'est pas ça le problème. Il y en a ça, c'est humain. Là, que le problème, je fais une faute, là, que je reviens pas sur cette faute. C'est le problème. Les gens, ils croient que dès qu'il a fait, il aura un grand péché, même qu'il est tombé dans le shirk. Il faut revenir. Est-ce que les compagnons, certains compagnons, sont tombés dans une forme de shirk ou pas? Si. Voilà que par jahl, par ignorance. Hadith dat anwat. Mais ils venaient de se convertir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ya Rasulallah, ij'al lana zata anwat. Vous connaissez le hadith? Hadith Tirmidhi, bisanadin sahih. Hadith Abi Waqid al-Laythi. Ij'al lana zata anwat, kama lahum zata anwat. Ils ont fait des mushrikin, des associateurs, qu'ils avaient un arbre sur lequel ils mettaient leurs armes et demandaient le baraka. Et là, les compagnons qui venaient de se convertir ont dit, Ya Rasulallah, c'est que nous aussi, on a un arbre pareil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, inna hassunan, qultum wa alladhi nafsihi, comme ils ont dit, Banu Israël, Amous, ainsi de suite l'histoire. C'est du shirk ou pas? La question ne sont pas des. Alors, c'est un aussi du juhal, ils ne savent pas. Mais est-ce que les compagnons, ils ont redit la même chose? Eh ben non. C'est pour ça, Cheikh Salah, Cheikh Hafidahullah, qui cherche Kitab Tahit, qu'il dit, s'ils sont revenus, ça sera vraiment du kufr. Laquelle la première fois, c'est du juhal, ils ne savent pas, ils viennent se convertir. Nabi Sallam, il a montré une fois, khlas. Hada sha'n. Taïb, si je tombe dans un péché, je me repens et je reviens pour ce péché. Ah, khlas, ça sent mal. C'est pas un jeu, le repentir, le plus. Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'il dit, wadda shaytan law dhafira minkum bihadihi. Shaytan, il aurait bien voulu avoir ce point, surtout. Il n'a pas pu vous attaquer. Quand vous faites le repentir, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ils vont vous dire, bah, de toute façon, votre repentir à 2 balles 50. À chaque fois que tu fais le repentir, tu reviens sans rien que tu fasses le repentir. Hassan al-Basri qu'al wadda shaytan. Là, Allah fera même combien. Il aurait bien voulu avoir ça, surtout shaytan. Et là, tu vas désespérer dans la miséricorde d'Allah et tu vas peut-être tomber dans le coffre. Wa la yaqnatum rahil al-qawm al-kafirun. Voilà. Donc, le fait de faire un péché, c'est pas ça le problème si tu fais un repentir tout de suite ou immédiat. L'Iyad ibn al-Qayyim, yaqoul, pourquoi Allah il a fait que ses serviteurs ils font des péchés, là que malgré ça, il leur a donné la possibilité de faire leur repentir. Il a dit Ibn al-Qayyim, lamma alima al-sayyid, yani Allah jalla wa ala, anna zamba abdihi, lam yakun qasdan li mukhalafatihi, wala qadhan fi hikmatihi, allamahu kayfa ya'tadiru ilayhi. Qal Ibn al-Qayyim, fil fawa'id, rahimahullah, qal, quand Allah Jalla wa Ala, il a su que le serviteur, son serviteur, il n'a pas désobéi à Allah Ta'ala par haine envers Allah Jalla wa Ala, ou par haine envers la religion, mais juste le nafs, il peut, subhanallah, te battre, et l'amour de la dunya peut nous ramener vers un péché. Lakin qal, quand Allah Ta'ala, il a su que son serviteur, il n'est pas tombé dans le péché par amour vers les péchés, lakin par faiblesse, c'est pour ça Allah Ta'ala, il nous a facilité le repentir. Pour ça Allah Jalla wa'ala, il est très miséricordieux envers ses créatures. Ça veut pas dire que tu as fait un péché, lakin Allah, il sait que tu as fait un péché car l'amour de la dunya t'a tenté. Alhamdulillah, il t'a facilité le repentir. Ibn al-Qayyim, il dit parmi les... Pour dire que la sagesse d'Allah, elle est totale, elle est par excellence. Que, قال Ibn al-Qayyim, وَلَوْ لَا تَقْدِيرُ الزَّمْدِ هلك ابن آدم من العجب ذنب يذل أو يذل به أحب إليه من طاعة يعجب بها. ابن القيم رحمه الله قال أن si Allah il a pas fait que ses serviteurs font des péchés, l'homme fils de Adam, qu'est-ce qu'il va dire? Alhamdulillah, je fais pas de péché, خلاص j'ai atteint un degré, et là il commence à rentrer l'orgueil, le عجب. L'Iyad ibn al-Qayyim dit qu'il vaut mieux un péché qui casse ton nefs qu'une adoration qui élève ton nefs dans l'orgueil. C'est pour ça, quand tu fais ton péché, là, tu te rends compte que tu es vraiment faible. La question, tu ne fais pas péché. Par exemple, dit, oh, de toute façon, moi, les femmes, c'est pas trop mon truc, alhamdoulilah, je suis à l'aise. Ah ben non. Youssef, alayhi salam, il a demandé à Allah, jalla wa ala, qu'il le préserve. Youssef, pas toi. L'Iyad, il vaut mieux un petit péché qui casse ton nefs qu'une adoration, et tu te lèves le matin, après une nuit de prière, tu te lèves gonflé, comme on dit. Khalas, content, j'ai atteint un degré. Parfois, le péché, il te casse, il prouve bien que vraiment t'es faible. Wa khuliqa al-insanu, da'if, très faible. Non. La troisième partie, c'est, et je pense que ça commence à être un peu long. Non, ça commence à être un peu... Excusez-moi, on finit par cette partie, Inch'Allah. La troisième partie, c'est حسن الخلق. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Abid Darda, dans le Nabi Dawud et Tirmidhi, et Ahmed, le hadith de l'imam Al-Albani, il a dit, il a dit, il n'y a pas de chose qui est plus lourd que le dans la balance du jour du jugement que le bon comportement. Il n'y a pas plus lourd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abu Hurayra, قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la foi, les croyants dont la foi elle est la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs femmes. Et ça, le point de... ça, c'est la bête noire de France. France, on n'arrête pas de... Si déjà, on va demander, poser la question à un cheikh pour le dire, « Eh, cheikh, c'est quoi les fatawas que tu dis le plus envers les gens de France ?» Il va dire, ouais, « De toute façon, un talaq, les problèmes, mon mari me fait une injustice, que des problèmes !» Dans les couples ici, à l'Aïch, ça se voit que soit les patients sont rentrés, soit il n'y a pas beaucoup de taqwa, et je parle de... Le mari est dans le manhaj, la femme elle est dans le manhaj, malgré ça. On en voit beaucoup, j'espère que ce n'est pas pour tout le monde. Lakin, la réalité, elle dit parfois le contraire. Il y a beaucoup de problèmes en France dans les couples. entre frères et sœurs. Il faut se demander. Nabi Sam dit, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur femme. C'est la femme qui est avec toi toute la journée. Tu peux te tsanna, c'est faire le sage devant les gens, 2 heures, 1 heure, 4, voire plus, là qu'il est à la maison toute la journée, premier jour, au bout d'un certain moment, tu vas craquer, tu vas montrer ta vraie face. C'est pour ça que Nabi Sam dit, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur femme. Si la femme, elle est avec toi jour et nuit, elle voit rien de toi, que du bien, ah bah là, ça prouve là. C'est ça, c'est vraiment ta nature. C'est pas modifié. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinukum akhlaq. » Le plus proche du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, c'est qui? Ce sont les gens qui ont le meilleur comportement. Plus proche. Ajab. Là, chaque qui on pose la question, c'est qui veut être plus proche du prophète Ali? Qui veut être proche du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam? Systématiquement, tout le monde va dire, moi, hey, si tu veux être cette personne-là, et un bon comportement. Ahabbu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqa. Les serviteurs les plus aimés pour Allah jalla wa ala sont qui? C'est ceux qui ont le meilleur comportement. Hadith est rapporté par Al-Hakim, authentifié par Al-Albani. On ne connaît pas beaucoup de hadiths. Et à tel point qu'en France, certains frères traitent le sujet de la bid'a. Et bien sûr, moi, on n'est pas le Mumayya. On ne dit pas qu'il ne faut pas connaître le bid'a. Il faut connaître le bid'a, il faut connaître le sunnah. Ça, on n'a pas douté sur ça. Walakin, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Pour toute chose, il y a une part. Pose la question sur donnez-moi un hadith sur le bon comportement devant, par exemple, une dizaine de frères. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent beaucoup de hadiths là-dessus. Alors, c'est un sujet négligé. Haq. Le Cheikh Al-Albani, il dit la religion, pour qu'elle revienne et la communauté revienne telle qualité, il y a 2 choses. At-tasfiya, quoi? At-tarbiya. At-tasfiya, alhamdulillah, les gens de la science, ils l'ont fait. Du moins, une bonne partie. Qu'est-ce qui reste? At-tarbiya. Zaki nafsak. Éduque ton nafs. Quoi? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. C'est ça la solution. Rien que lire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit comme exemple. On ne veut pas dire j'aime bien le comportement des tablir. J'aime bien l'organisation des ikhwan ou j'aime bien la science des salafs. Non, j'aime bien le comportement des salafs. Ou j'aime bien l'organisation des salafs ou j'aime bien la science des salafs. Là, je suis salafi. C'est le haq. Il faut voir que le manhaj est salafi. Il y a une partie. Il vient de là, une partie vient de là, une partie vient de là. Là, l'ilm de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le comportement là-bas, et bien, Khoud Abu Huraira, Khoud Omar. Omar, il était un savant. Il était mujahid. Il avait un bon comportement, adorateur, un bon gouverneur, tout. Hanam al-Salaf. Hassan al-Basri, kif-kif. Al-Shafi'i, kif-kif. Ahmed ibn Hanbal, kif-kif. Les savants contemporains. Tout le monde témoigne que Ibn Baz, rahimahullah, il était quelqu'un d'un comportement très rare qu'on trouve un comportement comme ça. L'adoration, on ne parle même pas. À tel point que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, entre la question et la question, il fait tasbih. L'homme, celui qui pose la question, il est en train de lire la question. Tel ou tel, Cheikh Ibn Baz fait tasbih. Ses élèves témoignent. Hadam ahl al-ilm, un contemporain. On ne va pas dire, tu parles des gens, ça fait 14 siècles. Bah, contemporain, hein, mais ils sont morts il y a 6 ans, 7 ans. Il y a un khalas. Allah Ta'ala t'a tout donné. Des exemples vivants, des exemples morts, un exemple parfait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la religion, l'ahadith, le sunnah, il faut quoi? بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. Si tu veux le paradis, فلمثل ذلك فليعمل العاملون. C'est pour ça, pour ce paradis-là, travail. Comme dit Ibn Qayyim, « Ya khatib al-hour al-hisani wa taliban li waslihinna bi jannati al-haywani, law kunt tadri man khatabta wa man talabta badalta ma tahwi min al-asma. » Ibn Qayyim a dit, « Si tu veux les femmes du paradis, prépare leur dot. » Exactement. C'est ça leur dot. Si tu veux les femmes du paradis, prépare la dot. Hada dot. Dot, c'est taqwa, ta'a lillah, طاعة لرسوله اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج. Donc on va finir par النبي صلى الله عليه وسلم. Comment il était son comportement صلى الله عليه وسلم؟ أولا nous, ça nous arrive parfois des moments de dire Foulan el Foulani, tel ou tel alim, il lui a fait une tazkiyah. Et machallah. Ça veut dire Foulan, il a eu une tazkiyah de Cheikh Al-Albani. C'est quelque chose. Fahwallah. C'est vrai, c'est quelque chose. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui lui a fait une tazkiyah, dans le Coran. Il n'y a pas plus véridique qu'Allah jalla wa ala. Allah ta'ala قال وإنك لعلى خلق عظيم. Un comportement noble, عظيم, géant, incroyable. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Les kuffars témoignent de ça. Pas les musulmans. Les kuffars témoignent de ça. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. Le comportement du prophète عليه الصلاة والسلام sur le Coran. Allah il dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ne faites pas de médisance entre vous. وَلَا نَا. Ne faites pas de médisance sur son frère. Le Nabi ne fait pas de médisance. Allah Ta'ala يقول أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Le Nabi il a toujours été sincère عليه الصلاة والسلام. Allah il a dit خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Le Nabi sallam il applique. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هو البراتيك. هو البراتيك. أنس رضي الله عنه. Il était le serveur du prophète عليه الصلاة والسلام pendant 10 ans. Il a travaillé pour le Nabi صلى الله عليه وسلم. قال كان من أحسن الناس خلقا. Il avait la personne qui avait le plus de, le meilleur comportement. Il a dit, j'ai jamais vu, fait une chose, le Nabi sallam a dit, pourquoi tu l'as faite? Et j'ai jamais pas fait, j'ai jamais délaissé une chose, le Nabi sallam m'a dit, pourquoi tu l'as pas faite? Jamais. À tel point qu'Anas, parfois, le Nabi sallam, il envoie faire une chose. Il a dit, au fond de moi-même, j'ai pas envie d'y aller. Il est jeune, il a envie de jouer. Et le hadith, il est dans le sahih, hein. Mais aussi je me dis, c'est quand même le prophète d'Allah. C'est-à-dire c'est pas comme n'importe quel homme qui désobéit ses ordres comme ça, tranquille. Et là, jusqu'à ce que je me retourne, je trouve un Nabi sallam derrière moi, il dit, Ya Unais. Je ne dis pas Anas. Ya Unais, hal zahabta haythu amartuk. Ah, là il dit, j'y vais tout de suite. Et je retourne, je trouve un Nabi sallam derrière lui. Il dit, Ya Unais, est-ce que tu es parti où je t'ai envoyé ou pas? Tu vois, le Nabi sallam, son comportement, il n'a pas demandé pourquoi t'es pas, je t'attends depuis tout à l'heure. Non, il s'est dit, Ya Unais, pas Anas. Ya Unais. Le Nabi sallam, il fait sa khutbah sur le mambar. C'est qui rentre dans le masjid? Hassan. Il marche un peu, il tombe. Il marche, attends, il dit. Ah, le Nabi sallam, il descend du mambar, il le prend devant lui. Thomas ibn Qal, inna min amwalikum awladikum fitna. Il a cité ce verset. Il n'a pas dit, sortez-le, ou la mettez-le à l'écart jusqu'à ce que le Nabi sallam. Il est descendu du mambar. Il le voit, il tombe un peu, il marche, il le prend sur le mambar devant tout le monde. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, c'est pour ça que Allah ta'ala قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. Il visitait les enfants de l'Ansar. Et il leur disait salam. Même les jeunes, ils passent à côté d'un compagnon, ils passent avec un salam à côté des petits, et le Nabi sallam, il dit salam. Tu te rends compte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit salam à des petits. Et puis, il leur caresse la tête. Wa huwa ashrafu an-nas alayhi salatu wassalam. Aïvan kan yazuru marzahum. وَيَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ. يعني الإنسان quand il y a un des Ansar il tombe malade, il va le visiter. Quand il y a un des Ansar il est mort, tout de suite le Nabi il suit sa jeunesse. À tel point qu'il y a une femme une fois qu'elle est morte, le Nabi sallam, les compagnons avaient honte de réveiller le Nabi sallam. Elle est morte, c'est elle qui travaillait, elle balayait la mosquée radiyallahu anha. Le Nabi sallam, il s'est réveillé, on lui a informé, il a dit pourquoi vous ne m'avez pas réveillé. Il est parti, il a refait salat sur elle, قال فإن القبور مملوءة ظلمة وإن الله منورهم عليها بصلاة عليه منورها لهم بصلاة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم les tombes c'est l'obscurité totale Et Allah Jalla wa Ala, il va la rendre pleine de lumière avec ma prière. C'est pour ça qu'il a prié sur cette dame. Et une dame qui travaille dans la mosquée. Malgré ça, il se réveille, il dit « Pourquoi vous ne m'avez pas réveillé ?» Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais au bled. Un, qui n'est pas originaire du village où j'habite, Wallah, ils n'ont pas trouvé c'est qui lui fait le kafan, le linceul. Jusqu'à ce qu'un frère, il est venu voir, on a été, on lui a fait le kafan. Aucune personne. Il n'est pas connu, khlas, pomba. Un ancien, khlas, c'est comme une bête qui est morte, c'est pas un être humain. Nous, au bled, pour connaître si un du bled qui est mort ou pas, le nombre du janaz. Tu vois une petite janaz qui passe, on se voit, c'est un étranger. Khlas. Un étranger, c'est pas un étranger. Maghrébins en France. Nous, on reproche aux Français, pourquoi ? Et nous, on dit que ce sont des racistes. Nous, entre nous, on est des racistes, déjà. Sahwal, c'est juste le village qui est à côté, khlas, on ne prie pas. C'est bon, il n'y a pas le Ajr al-Qirat, les Hassanats ne sont pas pareils. Ajr. Non. On finit par trois choses, comme on a fait pour le taqwa, la mise en pratique de ce bon comportement. Il y a trois choses qui font que l'anah, comme on a dit, c'est bien d'avoir un bon comportement. Mais comment on peut l'acquérir ? Awalan, hamlu nafsi ala hadhihi al-makarim. Il faut forcer son nafs pour atteindre ce comportement. Il ne faut pas croire que tu étais méchant ce soir, tu te réveilles le matin, tu fais salat al-fajr, tu es gentil. Abadan. Allah, il a fait que toute chose doit avoir sa cause. Il faut faire des efforts. Comment ? Lire des livres là-dessus. Écouter des cours là-dessus. Pas répéter les mêmes cours, des trucs qu'on a. Dès qu'on a un cours, tel ou tel cheikh, il a fait un cours sur le bon comportement en islam, le bon comportement entre les frères. Va voir les cours de Cheikh Rabbi Hafidahullah. Peut-être les cours quand il parle de nasiha entre frères salafiyyin, il n'y en a pas beaucoup qui les écoutent. Mais certains autres cours, alhamdulillah, ils ont bien répondu. Là, je rappelle, ça casse X ou Y ou Z. Il faut casser le mubtadi'a. Alhamdulillah, ça fait partie de le jihad. Walakin, adkhulu fi silmi kafa. La religion, elle est complète. Alaykoum salam. Il y a ça, il y a ça. Donc, il ne faut pas croire que tu te lèves le matin, tu as un bon comportement. Il faut avoir le jihad al-nafs. Et parfois, on revient à notre jahiliya. Ça arrive des moments. Tu t'énerves un peu, khlas, tu reviens à ton comportement. Ça nous arrive tous, j'espère que ce n'est pas pour tous, mais du moins pour une bonne partie. Qu'est-ce qu'il faut ? À chaque fois, ton œuf, ça revient, et khlas. Tu dis, il faut que je revienne à la vraie ou la véritable image islamique, entre parenthèses. Thaniyan, at-tashabbuh bi arbab al-khisal al-hamida. Lire des histoires de salaf. Imiter. Imiter ceux qui vous ont précédé. On a parlé, et dommage, on n'a pas eu beaucoup de temps pour parler du comportement du prophète alayhi salam. Là que pour plus de détails, lisez Sira, lisez Kitab Shama'il et Tirmidhi, son Mukhtasar du Sheikh Al-Albani, pour voir le comportement, ou un livre de Sheikh Zinou, pour voir le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le fait d'imiter Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Avant les prophètes, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, et les salaf, et les ulama et tout, là, c'est déjà, tu as fait un pas pour avoir ce bon comportement. Il faut lire leur sira. Il faut parler de salaf. Il faut parler comment ils étaient. Cheikh Salah Hachir, dans un cours, il disait qu'Ibn Taymiyyah, quand les Mubtadi'a, que lui, il a détruit leur dogme de Batil, malgré ça, quand leurs enfants, ils ont besoin de quoi que ce soit, c'est Ibn Taymiyyah qui était à leur service, rahimahullah. Cheikh Salah Hachir, il le cite dans un cours, l'Ukhouwa. Ibn Taymiyyah, les Mubtadi'a, eux innovateurs, mais pas leur fils. Ibn Taymiyyah, ça n'empêche pas qu'ils aident leur fils. Rahimahullah. C'est un khulq. Mais nous, malheureusement, on ne donne pas cette image. Surtout le fait de rester trop longtemps devant les mosquées, bavarder, perdre son temps, t'as le froid, t'as les pieds gelés, malgré ça, ça bavarde. Bon, d'accord, on ne se voit pas la journée, on va bien voir les frères, on les aime en Allah, c'est bien, là qu'il y a le temps qui passe. Taïf. Hein? كيف؟ لا احنا تكلمنا عن واحد من اهل نجد اكبر الشيخ الاسلامي من اهل نجد اصبر ما بعد وصلنا القول الثاني

qu'Allah la facilite pour nous et pour vous. Thaniyan at-tawbah avant la mort. La même chose, inna Allah yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yughaffir, pendant l'agonie, il n'y a plus de tawbah. Pharaon il se repentit à ce temps-ci, enfin à ce temps-là, mais Allah il n'a pas accepté. Al-an wa qad 'asayt. Khalas, c'est tard. La troisième chose, c'est le bon comportement. هذا والله أعلم جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون